contre la rue, sort d'où son peu reclus. C'est que dans l'actualité, Gaston Gauthier va passer à la télé. Dans le quartier, on a tué une madame. Pour commenter, on a besoin d'un quidam. La parenté, même ceux qui ne peuvent le capter. On ne verra pas ça souvent arriver. Gaston Gauthier va passer à la télé. Il a été sélectionné pour participer à un quiz pour débiles légers. Qu'il s'est qualifié pour une émission de télé imbécilité. Avec le vieillissement de la population, l'industrie est en manque de cons. Il pourra mille fois se regarder.